Le mouvement des enclosures en Angleterre entre les 16e et 19e siècles ont vu les terres communes appropriées par les grands seigneurs féodaux et les propriétaires terriens qui les ont clôturées et l'expropriation conséquente de la petite paysannerie plus ou moins libre. Une révolution des riches contre les pauvres. Vers la fin de la période, ces mouvements se sont étendus à toute l'Europe occidentale. La terre était auparavant régie par un droit coutumier, souvent compliqué, mêlant différents droits, comme un droit de passage, de glanage, de vin de pâturage, d'affouage, alors d'affouage, c'est-à-dire de ramasser du bois dans la forêt, etc. Liant inextricablement la vie des hommes à celle de la terre. Il faut noter que les États ont joué un grand rôle dans les enclosures à partir du XVIIIe siècle, légalisant l'appropriation brutale des seigneurs. Je le redis une deuxième fois. Hein. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'écris. C'est Hélène Torgeman, La croissance verte contre la nature, qui elle-même a fait des recherches. Hein. C'est pas voilà. C'est, je vois qu'il y a Polanyi, La grande transformation. Je vois Karl Marx, Le Capital. Enfin voilà, vous voyez. Donc il faut noter que les États ont joué un grand rôle dans les enclosures à partir du XVIIIe siècle, légalisant l'appropriation brutale des seigneurs. À la fin du mouvement des enclosures, il n'existait plus de communs, c'est-à-dire des terres communes, c'est-à-dire de terres communes gérées localement par les communautés et les liens féodaux traditionnels qui attachaient les êtres humains à la terre n'existaient plus. Seul demeurait le droit de la propriété privée, caractérisé par l'usus, le droit d'utiliser la terre, le fructus, celui de jouir de ses fruits, et l'abusus, celui de l'aliéner. Un marché foncier a dès lors pu émerger. Micro ouvert. 3, 4. Voilà. Guillermo rencontre. C'est un peu la suite de cette rencontre qu'on a faite avec Suno et la bibliothèque anarchiste. Maintenant, on rencontre Guillermo, qui a une manière de vivre en collectif, si j'ai bien compris, et qui va nous expliquer un peu. Son collectif s'appelle La Commune. Non. Mais bonjour à tous et à toutes déjà. Eh bien, merci de prendre un peu de son et salutations à tous et à toutes les gens qui sont en train de nous écouter dans la Belgique. Mais là, on est au fin fond du sud de la France, dans la Garrigue, sous les cigales, avec 40 et les incendies autour, et avec 40 degrés. Et cette semaine, il y avait un rencontre très intéressant concernant la technologie dans l'endroit qu'on tient, qui s'appelle la commune du Maquis. La commune du Maquis est une fédération locale dont j'ai fait partie d'un des collectifs qui fait partie de la commune. La commune n'est pas un collectif, c'est une fédération des collectifs. Et explique-nous la différence, qu'on comprenne. Justement, la différence, ça fait 5 ans, nous avons repris un bout de terrain qui avait été acheté justement par un collectif et que les gens ils avaient déserté. Ça allait être repris par les banques, donc on a... Ça allait être repris par les banques ? Par les banques, oui, parce qu'il y avait un emprunt pour l'achat. Et donc, du coup, c'est 270 hectares. Il y a eu un appel fait des tout petits restes qui restaient justement d'une ancienne communauté SCOP. La SCOP, c'est une des façons de faire des entreprises gérées pour leur ouvrir eux-mêmes, légalisées en tout cas en France, et qui a coulé. Et il y a eu un appel à la création d'une commune. Et donc, du coup, la création d'une commune, à différence d'autres projets qu'on a pu avoir ces dernières 40 ans, part d'une interrogation, c'est les échecs des mouvements communautaires. Comment ça s'est fait qu'en 40 ans, ce qui reste, nous reste aujourd'hui, les communautés sont devenues virtuelles. Les types qui sont créés des communautés, c'est ceux qui nous oppriment. Google... Apple et tout ça, ça sort des gens qui prenaient des prods et ils réfléchissaient à un monde nouveau. Et les mondes nouveaux qui nous sont filés, il est à la Silicon Valley. Et l'illusion qu'il y a toujours de penser que la vie en collectif est épanouissante et bien et tout comme ça. Mais aussi, on a vu les échecs et l'état dans lequel les gens ils se retrouvent. Et souvent, ceux qui sont participés à des vies communautaires, sauf les religieux, ils sont en braque, ils ne veulent plus jamais rien faire des collectifs. Tu penses à quoi exactement pour qu'on puisse comprendre ce que tu dis ? Eh bien, à tout le moment qui a quitté la ville dans les années 60 et 70, et différents moments comme le mouvement des Larches, comme les différents groupes communautaires qui se sont organisés un peu partout en Europe. Que ce soit en Allemagne, dans les squats des différentes communes, qui s'appelaient communes les différents squats, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, tous les noyaux qui pensaient que pour changer la société, il fallait changer des modes de vie et que les modes de vie, ils allaient contagier les autres. Voilà. Et que ce mode de vie était plutôt communautaire, collectif, je pense, ou hippie, moi, ouais, mais t'as appelé d'autres... Ouais. Si, si, basiquement, en fait, c'était surtout les moments hippies qui avaient... Enfin, ça, c'est qu'aujourd'hui, hippie, c'est despectif, quoi. C'est quoi, tu dis ? C'est despectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que t'es un hippie... Et il y a plein de choses qui viennent dessus qui n'ont rien à voir avec l'émergence d'un mouvement qui c'est l'unique mouvement pacifique qui a réussi à arrêter une guerre aux États-Unis quand même. Laquelle ? Celle du Vietnam. Ah ouais, tu traduis ça comme ça, toi ? Oh non, je connais bien l'histoire des États-Unis et des mouvements hippies. Il y avait l'American Indian Movement, les gens des Black Panthers, les gens des différentes organisations de des organisations féministes, les associations des peaux rouges, les copains et copines des mouvements latinos dans le sud des États-Unis. Les mouvements hippies n'est pas... On discute, hein, Guillermo. Moi aussi, j'ai vu pas mal de docus sur la guerre au Vietnam, mais les présidents au pouvoir, qui étaient Nixon et compagnie, ils étaient omnibulés par dégommer le Vietnam. Le Vietnam ne s'est pas laissé faire non plus, tu vois. Il y avait les gens dans la rue aux États-Unis qui n'étaient pas d'accord, ils ont montré leur désaccord. Mais je ne suis pas sûre, après, voilà, je suis pas sûre que ce soit... Ça a joué, sûrement. Il y a eu les gens dans la rue, c'est vrai, mais... Il n'y a pas eu que les gens dans la rue. Il y a eu des grèves dans les usines, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de désertion au sein de l'armée, mais il y a aussi une remise en question du patriotisme américain. Et ça, c'est la façon dont l'État américain il a réagi, c'est d'introduire les notions d'intersectionnalité dans les universités pour absorber, faire en sorte que les types américains soient des gouvernants communautaristes. Et jusqu'à ce moment-là, il y avait un peuple américain. Après, à partir de là, il y a un peuple américain noir, un peuple américain latino, un peuple américain blanc, un peuple américain... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça arrive actuellement en Europe. Hein. C'est énorme, les enjeux qui se placent actuellement sur une vision qui est l'idée de finir avec la conflictivité entre le capital et le travail. Notion de bienveillance, elles ne sont pas sorties des gens qui faisaient la méditation. C'est des gens qui essaient d'éviter qu'on a... une conflictivité concernant l'exploitation. Et aux États-Unis, c'est ce qui a donné comme mouvement. Je ne te dis pas que les mouvements hippies ont arrêté la guerre. Je te dis que c'était les mouvements sociaux qui étaient dans la rue, que massivement, plus jamais il y en a eu aux États-Unis, et que c'est la naissance de la New Left américaine. Tu vois ? Oui, parce que moi, j'avais un autre exemple quand on parlait... tu sais, la guerre de sécession. Ouais. C'est Noam Chomsky qui explique ça. Il dit « Howard ». Zinn, c'est une erreur, c'est Howard Zinn. C'est pas qu'il y a eu les droits des Noirs. Lincoln, qui était le président, c'est pas qu'il était pour, qu'il découvrait un jour que. qu'il découvrait qu'au fond, oui, c'est vrai, les Noirs doivent avoir des droits, mais c'est parce qu'ils voulaient faire la guerre et récupérer les territoires du Sud. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que. Ça, c'est en fait c'est assez intéressant parce que Chomsky fait partie de ces mouvements. Chomsky n'aurait jamais existé s'il n'aurait pas participé dans les mouvements de Kent et dans d'autres universités dans lesquelles il a été réprimé. Et c'est une des tenantes aujourd'hui et des idées aux États-Unis qui vont plutôt dans les. Il y a deux courants qui sont sortis, celles qui nous ont vendus et ceux qui sont continués à critiquer les États-Unis. Mais aujourd'hui, critiquer les États-Unis au sein des États-Unis. Aux États-Unis, c'est un acte de trahison. Patriotique. Voilà. Mais bon, on s'écarte du sujet des communautés et communes. Et donc, du coup, ici, l'idée, quand on a créé la commune du Maquis, qui est l'endroit qui accueille ces rencontres dans lesquelles on se rencontre, là, et on était parti sur l'idée de plutôt observer les mouvements paysans et populaires dans l'histoire de ces dernières années, que leur échec il a été plutôt lié à la répression qui a le conflit interne. Okay? Et donc, du coup, on s'est basé beaucoup sur l'idée de l'anarcho-syndicalisme espagnol, sur l'autonomie zapatiste, sur les mouvements des chômeurs qui ont repris les usines en autogestion en Argentine. Quelle année, là ? En 2001. Plus les différentes expériences des gens et collectifs qui arrivaient là autour d'une table pour construire ce qui a été la charte de la commune du Maquis, qui est le socle d'organisation qu'on a. Et donc, du coup, nous, contrairement à un mouvement communautaire ou une communauté, nous sommes tous des entités autonomes liées par une assemblée basée sur une charte. Voilà. Mais quand tu dis nous, c'est qui le nous ? Les collectifs Weichan, Été d'émancipation, Angaec, et quelques individus, deux ou trois familles et des gens qui font de la menuiserie. En fait, sur ces territoires qu'on est en train de récupérer des 270 hectares, nous devons être aux alentours de 24 ou 25 avec des enfants. Et ça comporte des gens des 3 ans à 75. Voilà, tous et toutes avec des activités différentes. Moi, par exemple, je fais partie du collectif Weichang, qui est un collectif anarchiste. Weichang ? Weichang. Weichang, ça vient... Moi, je suis Mapuche, je viens de la Patagonie. Et chez les Mapuche, le langage oral est super important. Et comme il y a eu des mots qui sont été interdits suite à la dictature et tout, on les revendique et notre collectif anarchiste s'appelle Weichan. Weichan, ça veut dire en Mapuche, on continuera à résister. Et donc, du coup, par exemple, mon collectif, Weichan, nous sommes des travailleurs sociaux. Et on fait l'accueil des jeunes enfants psychotiques et adultes. Et psychotique et autiste, un séjour de rupture et de vacances. Ici, dans le lieu, alors ? Ici, à la commune du Maquis. Et c'est notre activité économique qui nous fait vivre à nous. Et en même temps, on est boulanger et on en fait les pains aussi pour la commune et pour payer les empreintes. On s'occupe de l'atelier pédagogique et une bonne partie de l'accueil et l'activité anarchiste du lieu, en lien avec Été d'émancipation, que c'est ce que vous avez écouté avant, pour maintenir les centres de doc. Et après, il y en a d'autres, des collectifs, qui, par exemple, il y a un groupement agricole. Les groupements agricoles, ils s'occupent strictement de l'agricole. Et les gens, ils ne sont pas forcément avec des idées politiques. On n'a pas une communauté d'idées politiques. Par contre, la structure fonctionne anarchiquement. Et donc, du coup, ça permet qu'il y a des gens lambda qui nous rejoignent et que ça ne soit pas ni une communauté fermée. Et une des bases de la commune, c'est que nous, on ne s'organise pas sur des bases affinitaires. Ça veut dire que pour nous, l'affinitaire n'est pas un socle d'organisation, ça peut être un socle d'action. Ça, okay, ça n'empêche pas qu'on a des affinités les uns et les unes et les autres. Mais c'est pas ça le ressenti qui va orienter la vision de la confédération, de la fédération des communes. Sinon, comment chaque collectif assume la charte qui est un pacte de solidarité qu'on a créé les uns les unes les autres. Voilà. Ça va. On entend un cri. J'entends des cris des enfants. Ouais. Mais t'as raison, hein, en regardant. Mais du coup, là, oui, donc c'est un exemple. Excuse-moi, mais des fois, c'est pas la commune. Si, c'est comme ça qu'on l'appelle, la commune. Mais c'est pas une communauté. Non, c'est pas une communauté. Pourquoi ? Une communauté. Tu l'expliquais au début, hein. Oui, à peu près. Pas envie de répéter. On mange pas ensemble, on vit pas tous ensemble, on a pas tous ensemble exactement les mêmes idées. Non, ici c'est la diversité sous une base des non autorités. Donc du coup, tous et toutes, on s'est responsabilisés, on a créé nos propres règles, nos propres contrats sociaux, comme on dit, et on a une charte et des accords pour la gestion et l'achat de ces lieux-là. Et en même temps, on construit une arrière-base pour les mouvements de résistance, comme celui qui se retrouve ici cette semaine. Ah oui, tu veux dire l'événement, quoi, c'est ça ? Oui, le but à nous, c'est la socialisation des 270 hectares. On fait tourner une partie d'un camping, on gère un camping quand même avec plus de 100 emplacements, une logistique qui est assez costaud, une boulangerie, une fromagerie, la piscine, l'élevage, les fromages, les pains, l'atelier pédagogique, l'atelier sérigraphie, la menuiserie, les centres internationaux de documentation, la librairie nomade, les centres d'accueil pour des personnes psychotiques et autistes, et tout sur un seul territoire. Voilà. Et donc, du coup, une partie. Et nous, tous et toutes, quand on s'est retrouvés, c'est pour acheter ces lieux-là. Parce que les montages financiers qu'on a fait, fait pour que la terre s'assoie ici à l'intérieur, extraire ça de la spéculation immobilière, et qu'ici la terre soit celui qui la travaille. C'est ça le. Voilà. Mais quoi, juste comme ça pour comprendre, parce que c'est vrai que ça crée des rapports de pouvoir, de force, mais qui a acheté la terre de vos collectifs non, là non, c'est un non, peu non, tout le monde ou comment? C'est comme ça, nous on a simplement repris la dette d'un collectif qui ne fait pas partie de nos collectifs actuels. Il reste que deux personnes qui étaient avant, mais en fait, on a repris un truc qui était en faillite. Donc du coup, par contre, c'est une société d'action... En fait, ça a été acheté par un montage financier qui est une société d'action simplifiée où il y a beaucoup de gens partout en France qui sont des actions. Ils ne se connaissent pas les uns les unes avec les autres. Et donc du coup, c'est on va dire une structure qui a pris la dette, mais cette structure, elle n'est pas... gestionnaire du truc. C'est simplement plein de gens solidaires qui sont fait en sorte de la faire valoir. Et c'est la structure qui est propriétaire, entre guillemets. Et après, on a un fonctionnement officiel et officieux. Oui, parce que j'avais rencontré des gens, je crois que c'était 6 familles. Parce qu'il y a de plus en plus hein, cette idée de réfléchir à une autre manière de vivre. Plus à plusieurs, quoi, tu vois, avec d'autres. Et il y avait des gens qui avaient décidé que la terre n'appartenait à personne, tu vois, et que c'était plutôt, comment ça s'appelle, une fondation, tu vois. Un fonds de dotation, maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de... En fait, légalement, le statut le plus avancé, en tout cas en France, avant, c'était la SCI ou la SAS, et aujourd'hui, c'est les fonds de dotation. Et nous, en fait, en tout cas dans la commune, ici, personne n'est propriétaire nominatif. C'est ça, je te dis, c'est que personne n'est propriétaire nominatif. Il y a une entité. Vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment, oui. Souvent, on le dit, tu vois, et puis quand on gratte, on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas vrai. Il y a quand même un quelqu'un qui a signé, qui est un peu... Ah oui, mais nous, on se tourne pour ça. En quoi, tu dis ? On se tourne. On se tourne ? Oui, s'il y a besoin d'avoir... Parce qu'en fait, évidemment, tu ne peux pas extraire du capitalisme un bout. Ça n'existait pas. Par exemple, c'est une des choses aussi qui est un fondement de la commune, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme au sein du capitalisme. Le capitalisme, il est là pour le détruire. Nous créons une arrière-base qui permet de l'expérimentation et que les gens se replient dans un lieu. Mais nous sommes tout à fait conscients que l'alternative que nous on fait ne peut pas être une alternative pour tout le monde, car déjà, il n'y a pas autant de terres actuellement. Et ensuite... Il faut d'abord que les gens y construisent un rapport de force pour bouleverser la société et la reconstruire. Donc du coup, ça fait que la commune n'est pas non plus une finalité en soi-même, est un chemin. Dans la charte de la commune, il dit que la commune s'inscrit dans les cadres des luttes sociales en vue de la destruction du principe d'autorité. Et quoi, concrètement, ça donne quoi dans la vie et dans le quotidien? Ça roule, vous vous engueulez, j'imagine, des fois. Comment là, ben, ça fait que 5 ans déjà. Tu vois, 5 ans... C'est pas long, 5 ans. Oui, voilà, 5 ans, un enfant commence à marcher, à gérer à peine sa notion avec les restes de l'existence, c'est régulé. Ça a été difficile de s'articuler sur tout ce qui a été la partie formelle et écarter l'affectif pour pouvoir faire fonctionner. En fait, moi, en tant que travailleur, quoi, qu'ouvrier... Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu de prendre un prêt avec ma compagne tout seul à 25 ans pour m'acheter une maison et avoir et galérer à bosser 35 heures pour les trucs, maintenant je bosse plus de 35 heures. Plus? Et je bosse plus de 35 heures par semaine. Et mais moi et mes enfants, nous avons les droits à tout ici. Toutes les semaines, il y a les pancakes gratuits, on a du fromage, on fréquente moins les supermarchés, on peut s'épanouir dans plein d'aspects, je peux faire de la musique, je suis bien, en fait. C'est d'autres choses qui, en général, sont dures, mais concrètement, qu'est-ce que ça nous a fait? Ça nous a fait de l'air. Ouais, ça nous a fait de l'air, ça nous a fait dépersonnaliser la question sociale. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Je parle de la question sociale, je parle de l'exploitation et des coûts de vie. La question sociale de la dichotomie toujours d'exploitation salariale. C'est-à-dire que maintenant, nous, quand on va travailler à l'extérieur de la commune ou on travaille de façon salariée à la commune, on est tout à fait conscient de ce qu'on fait et on les choisit. On n'est pas victime maintenant parce qu'on a toujours une arrière-base qui nous permet d'avoir un socle déjà des qualités de vie qui changent énormément. Je suis arrivé ici, avant j'étais devant un ordinateur, même si j'ai toujours été un militant anarchiste, j'étais devant un ordinateur, j'ai fait ces 20, 30 kilos de plus. Et j'avais, là maintenant j'ai 45, ben je vais atteindre mes 40 ans et c'était la fin de ma vie quoi. Non mais c'est vrai. Et ici, ça qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est opéré? Ben que l'endroit était. Mais dans ta tête à toi, c'est quoi le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné tu te dises bon allez. Notre-Dame-des-Landes. Tu dis? Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'interrogation de. Personnellement, c'est un moment que je pensais qu'il fallait faire autrement, mais sortir de ton travail salarié et tout ça pour faire les pas de partir à reprendre les cours de ta vie comme il se doit et prendre des risques, et c'est Notre-Dame-des-Landes, que beaucoup l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été. Et fait une lutte qui s'est faite contre un aéroport près de Nantes et qui a duré longtemps et que l'État français n'a jamais réussi à déloger et tout. Il y a eu une expérimentation sociale super intéressante qui continue maintenant, elle est plus légaliste. Et en fait, à ce moment-là, moi j'ai 3 enfants, donc une de 22, maintenant une de 10, une de 8. On avait des enfants en bas âge et c'était largement avant les confinements et tout ça, mais on a vu la dégradation de la société et notre propre dégradation. Et ma compagne voulait changer. Moi, j'avais déjà fait cette expérience collective. Je n'avais pas envie. Tu n'avais plus envie? Non, j'avais plus envie. J'avais plus envie justement parce que j'avais eu des expériences communautaires. Nettement, en Patagonie, on a créé une qui s'appelle Tierra Libertas. C'est la communauté qui s'est faite au plus au sud de la planète. Au plus quoi, t'as dit? Au sud. Ok. Voilà. Qui a duré 4 ans. S'appelle excuse, mais des fois, tu vois, des fois, tu parles vite et des fois, je... Et non, il n'y a pas de souci. Qu'on avait fait en Patagonie. Et en fait, on en a pris tellement cher que j'avais plus envie de me retrouver confronté aux névroses des gens, aux angoisses des vies des uns, des unes et des autres et tout, parce que les parcours des personnes est toujours ultra différents. Et sans parler des questions des classes, ça veut dire que c'est pas la même chose quelqu'un qui a trimé toute sa putain de vie pour exister que celui que maman et papa les fils. Comment c'est pas la même chose d'un portugais qui n'a jamais eu accès à un RSA qu'un français qui a accès à un RSA. Et donc tous ces genres de choses, les réguler en permanence, c'est, quand il y a un mode communautaire, c'est... J'avais plus envie. Mais en fait, on s'est rendu compte que nos filles, elles devaient commencer à devoir y aller à l'école et tout. Ma compagne disait, moi je veux pas faire des esclaves. Et l'unique façon de faire en sorte de faire ça, c'est construire le monde qu'on veut. Et on s'y est mis. Voilà, c'est ça, un peu les raisons et ce qui fait en sorte qu'on continue à faire ça, quoi. On n'est pas dans la croyance, nous, on est dans la conviction. C'est Bakounine qui c'est ça, qu'il y a une différence entre la croyance et la conviction. Nous, on n'est pas dans la croyance, on n'y croit pas dans la méthode. On est convaincu qu'il y a des rapports qu'il faut qu'ils changent. Mais on ne s'attache pas non plus à ça comme unique façon de faire. Et on respecte énormément tout ce qui s'est fait dans tous les aspects de la vie et l'existence et des autres collectifs et tout, que ce soit des alimentations, des remises en question de ci, de cela et tout. Au contraire, nous, ce que nous on propose, c'est de quelle façon on articule tout cela. Et si c'est une nouvelle expérience, en tout cas en France, l'idée d'une fédération au lieu d'une communauté. Voilà. Fédération, ça veut dire on se met ensemble. Fédération, c'est on la fédération, les principes de la fédération, c'est il y a deux façons de gestion et des grands nombres de gens. Le centralisme, ça veut dire que un organe central comme c'est en ce moment, enfin en France en tout cas. Et l'autre, que ça soit que la base décide et que la base il s'articule. Alors le fédéralisme libertaire considère que par ta propre tâche tu as les pouvoirs de faire ce que tu as à faire et chacun et chacune a ses capacités. La question, c'est comment on les articule. Et donc, la fédération se constitue sur l'accord des pactes de non-solidarité, des pactes de non-agression qu'on fait les uns et les unes et les autres sur des bases collectives. Et ça, c'est une fédération. Je ne sais pas si j'arrivais à peu près à l'expliquer, mais c'est les décentralisés et les des bases. Ça veut dire que, disons, pour vous donner un exemple, non? Voilà, non, en gros, la centralisation, c'est quelqu'un qui décide pour toi. Et la fédération, c'est plus chacun qui, Chaque collectif prend ses décisions au sein de son propre collectif et il les met d'accord dans l'assemblée avec les autres collectifs. C'est ça la fédération. C'est pas que nous on participe directement, par exemple. Chaque collectif, c'est pas une seule assemblée où on devient tous à plat. C'est chaque collectif défend son bout de grain et on l'articule pour faire en sorte que tous et toutes aient la relation la plus égalitaire possible. Évidemment, comme nous sommes des êtres humains et comme nous venons issus du capitalisme, on amène autant les mêmes vices que t'as dans une coloc. C'est la même. En fait, ce n'est pas non plus comme, justement, pour ceux qui se font l'illusion des changements de vie et tout ça, les relations humaines sont toujours les mêmes. Hein. C'est de quelle façon chacun et chacune se réapproprie ce qu'on a mis en commun et comment on l'a accordé. Et où je peux te renvoyer si tu as fait un accord consentant sur quelque chose. Parce que ça nous ramène un socle qui fait entier la charte et nous réduit les conflits. Ça veut dire que les conflits ne seront pas entre mon collectif et ton collectif. Ça sera un conflit dont la régulation, ça sera quel accord on avait pris à l'avance. Voilà. Je sais pas si... Petit à petit, on comprend mieux, tu vois, on comprend pas comme ça d'un coup, mais du coup, t'aurais une anecdote, une histoire, mais sans rentrer dans les détails et ni les noms des gens, on s'en fout, mais d'une discussion comme ça, tu vois, sur ton parcours de 5 années, là, comment ça se passe quand il faut prendre une décision une décision ou bien une idée, j'en sais rien. Tu vois, comme ça, on est dans le concret. Mais en fait, on a une assemblée qui se tient chaque 2 semaines. Ah, cette assemblée qui se tient chaque 2 semaines dure à peu près entre 14h et 18h. Tu vois, c'est 4 heures d'assemblée. Et il y a un ordre du jour qui reste toujours dans son tableau. Qui décide ? Cet ordre du jour, il est mis directement par les collectifs. Chaque collectif peut mettre un point dans les thèmes de l'ordre du jour. Et 15 jours après, tu peux prendre des décisions sur ces thèmes-là. Tu ne peux pas prendre des décisions les jours même, parce qu'il faut que tous les collectifs aient le temps, au sein de leur propre collectif, de traiter l'ordre du jour et revenir à voir qu'est-ce qu'on accorde tous et toutes ensemble. Après, tu vas avoir des collectifs qui sont branlés. Et d'autres qui sont ultra au taquet sur tenir les trucs. Ceux qui sont branlés, mais peut-être camembert, hein, tu as eu 15 jours pour réfléchir à est-ce qu'on va déplacer, je sais pas, il y a des trucs du style réparation de tel endroit ou investissement dans ça. Tu t'es pas occupé, mais c'est la décision de l'ensemble de l'Assemblée. Tu as eu toutes les tenants, les aboutissants et tout, et 15 jours pour prendre des décisions au sein de ton collectif. Donc si tu les as pas pris, de toute façon, nous, on fonctionne par consensus. Et souvent, les gens, ils s'arrangent aux ceux qui sont tous et toutes déjà travaillé les trucs, où ils les remettent en question sur place, et ça prolonge l'accord. Mais quand l'accord il est pris, c'est vraiment un accord collectif. Ce qui est dans une communauté, par exemple, est différent. Dans une communauté, un type comme moi qui est charismatique et qui sait parler et tout cela, les bouffe. Mais en fait, il n'y a pas de système de régulation suffisamment fort, quoi. Alors nous, on a des mandats impératifs et révocables. Là où ils ont-ils été comme un moyen d'organisation. Un mandat impératif, c'est que quand on te donne une tâche, on te dit exactement quelle est la tâche que tu vas faire. Que c'est révocable, c'est si tu ne fais pas ta tâche, on peut te sortir de ta responsabilité rapidement, et sans que tu les prennes mal. Ce n'est pas parce qu'on t'enlève une tâche qu'on te remet en question comme personne. Que ça t'enlève du pouvoir ou de la responsabilité, voilà, ou du droit, quoi, on va dire. Justement, c'est ce qui arrive, en fait. Il y a des degrés, des échanges de choses, parce qu'il y a une exigence qui est émotive, qui a tout un truc pour tenir les tout communs et tout. Nous, on ne tient pas les tout communs. C'est plutôt comment on fait en sorte que l'articulation nous survive, hein, et permette l'absorption du maximum de personnes pour socialiser vraiment cet espace-là, donc à peu près. Donc du coup, on a et des assemblées et des rencontres. Les assemblées sont une fois chaque 2 semaines, et après, chaque 3 mois, on a des rencontres de fond. Ça veut dire tout ce qui n'est pas de l'ordre du quotidien, dans lequel il y a eu des interrogations profondes qui risquent de devenir des bulles puantes qu'après ils vont nous embrouiller les uns et les autres. Mais ils se mettent dans un ordre du jour à part, où on se retrouve exclusivement des communards, enfermés pendant deux jours à traiter tout cela, histoire d'affiner. Celui-là, il se tient chaque 3 mois. Voilà. Et quoi ? Parce que le conflit, tu dis ? La notion de violence, par exemple, on a déjà eu des rencontres extraordinaires concernant qu'est-ce qu'est la violence. Comment nous, ou la commune, réagit face à des comportements violents, des actes violents, ou est-ce qu'on assume la violence ou on ne l'assume pas et tout cela. Et donc c'est dans ces genres de contextes qu'on en discute sur ces genres de choses. Il y en a plus les accords qui vont faire en sorte et qu'après on a au moins tous et toutes déjà une base claire sur quel pied on peut danser. Une marge, quoi. C'est comme c'est comme la structuration mentale d'un enfant. Voilà. Si on ne fait pas un cadre, on devient tout puissant. À force de devenir tout puissant, on est tout seul. Voilà. Alors quand les cadres, ils peuvent nous servir justement les plus libres possibles. Parce qu'ici, on a extrêmement de liberté dans plein d'aspects, largement au-dessus des plein d'autres lieux, ou la société, quoi. Oui, mais exemple. Faire ta cabane où tu veux, quand tu veux. Vraiment? Oui, vraiment. C'est dire que... C'est pas une décision à prendre à plusieurs, ça. Non, parce qu'en fait, nous, on pense que si un animal peut faire un trou sous un arbre, nous sommes aussi... La commune, elle commence sa charte avec pour son animal, nature, l'être humain ne peut être développé qu'en société. Et peut-être que ça serait intéressant de lire la charte de la commune pour vous l'expliquer. Ça, c'est assez... Mais si, par exemple, ça, c'est un droit que tu n'as pas ailleurs. Voilà. Ou pas envoyer nos enfants à l'école et avoir la possibilité de les éduquer autrement. Leur donner accès à l'instruction. Et ça, ce sont des choses qu'on peut se permettre, et plus que l'ensemble des gens qui triment, quoi. Qui sont comme nous. Tu vois, mais qui triment et qu'ils doivent courir après, et que pour pouvoir faire ce que nous on fait avec nos enfants, ils doivent les inscrire dans des écoles privées. Tu vas inscrire ton gamin dans une école privée pour qu'il aille à la non-école. Tu vois? Eh bien, nous, on peut le faire. Et ce sont ces genres de choses qui nous font avoir l'idée d'y aller un peu plus loin. On a eu la visite des zapatistes. C'est nous, on a accueilli une partie des délégations zapatistes. Et c'était très intéressant d'en discuter sur leur façon d'organisation et la nôtre. Ils sont beaucoup plus rigides que nous. Hein. Mais par contre, ils nous disaient qu'ils n'avaient pas trouvé beaucoup en France d'autres collectifs aussi carrés. C'est carré. Non, ça voulait dire. Sur les fondements, les moyens et les choses, parce qu'eux aussi, ils ont déjà choisi la non-affinité comme mode d'organisation. Alors que pour le moment, tous les gens qui sont en train de, suite à cet enfermement qu'on a subi ces dernières 2 ans, ils parlent de confinement. Qui repartent, là, ils quittent tout pour y aller, hein, refaire des expériences, choper des petites fermes, vivre en colloque et tout cela. Mais politiquement, ils sont encore à la recherche plutôt de vivre, comme tu disais, en collectif, que trouver la façon de pouvoir en sorte que cette vie en collectif peut et absorber d'autres gens et tenir dans la durée. Et être juste aussi. Oui, mais ça va dépendre toujours de qu'est-ce que tu veux faire avec. Tu vois, parce que par exemple, il y a des collectifs religieux dont les principes, c'est l'injustice. Il y a des collectifs technologiques dont les principes c'est l'injustice, tu vois, tu peux, c'est pas parce qu'on s'organise la police s'organise collectivement, il y a des militaires qui s'organisent de manière fédérative, ça ne change rien, c'est la finalité, l'orientation qui va changer tout, qui fait que tu t'arrêtes pas sur des revendications économiques transitoires, sinon que tu sais que tu veux un horizon et ça t'attache à une utopie, comme on dit, voilà, et nous on a une l'abolition des principes de l'autorité, ce qui nous permet toujours de ne pas rester stagné. À chaque fois, on peut percer ce qu'on a pour y aller un peu plus loin. Et voilà. C'est ta vie, là, en ce moment? C'est ma vie, en ce moment. Avec ta femme, tes enfants et les autres gens? Mon ex-compagne, mes enfants. Mais quoi, alors, j'ai peut-être pas suivi. C'était pas la femme, c'était pas la mère de tes enfants qui disait qu'elle avait envie... C'est plus la même personne. Non, c'est plus la même. Je ne suis. On est séparés, mais. C'était elle qui avait l'initiative, hein, si j'ai bien suivi ton. Oui, clairement, elle a eu l'initiative. Mais après, moi, en fait, justement, le fait d'avoir passé une expérience avant des communautés à une fédération communale, ça m'a fait que maintenant, je kiffe. J'ai trouvé qu'on a trouvé, justement. Quand on s'est retrouvé à créer la charte de la commune, ça fait 5 ans qu'il a été acté après 1 an des tests. Et en fait, cette mode fédérative me convient plus qu'un mode communautaire. Voilà. Et donc... Mais attends, parce que enfin, je suis obligée de... Ouais. On parlait de ta femme qui avait eu l'idée de dire, allez, pour nos filles, reprenons nos vies en main, soyons responsables ou plutôt autonomes. Ouais, elle a repris sa vie en main. Ouais, c'est une autre histoire, quoi. Maintenant, toi, tu es tout seul avec tes filles ici ou, et une non, nouvelle... Non, si, elle est ici. Elle est aussi c'est ici. Oui, d'accord, d'accord. Et vous vivez... On est plus en couple, quoi. On n'est plus en couple, voilà. On n'est plus en couple, mais on élève toujours nos enfants ici, ensemble, et tout, et tout. En fait, c'est les principes libertaires minimum, quoi. Ouais. C'est que, en fait, il y a des moments où, que ça soit politiquement... Par exemple, là, mon histoire avec ma femme, c'est plutôt aussi sur des différences politiques, sur certains aspects. Vous n'êtes pas d'accord ? Il y a un moment où on n'est pas d'accord, et si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien de continuer à s'engueuler tout le temps parce qu'on n'est pas d'accord, alors qu'on est simplement différents, quoi. Et quoi, enfin, c'est pas pour comprendre bien, hein, moi ça m'intéresse juste, mais moi, quoi. Je suis partisan de la lutte des classes et les partisans de l'intersectionnalité. Donc du coup. Explique la différence concrètement, ça donne quoi Moi je pense pas que ça soit une bonne idée de développer des particulières. Par exemple, actuellement il y a un courant énorme qui arrive du libéralisme américain qui est de partager les dominations. Les théories de l'intersectionnalité dit qu'il existe endémiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents types de pouvoirs, des strates de pouvoir, qui s'expriment selon les privilèges. Privilèges des races, privilèges des classes, privilèges des gens. Et donc, du coup, ils particularisent et ils vont faire une base de résistance à partir de celui-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je considère que l'anarchisme, il est antisexiste, il a déjà absorbé tout cela, et on a eu, pendant les expériences de ces dernières 200 ans, depuis que l'anarchisme est un courant, déjà été traversé par tout ça, et déjà à l'époque des Reich, quoi, ou d'autres. Donc nous, par contre, on va dire que moi, je tiens à une notion de l'anarchisme plutôt moderne. Et il y a maintenant un courant post-moderne qui absorbe tout ça, la technologie, la gender theory, tout cela, et on n'est pas d'accord. Et donc du coup, on a préféré s'écarter que continuer à crisper quelque chose qu'il y en a. Après, ça a beaucoup à voir aussi avec une puissante, puissante, puissante, puissante explosion suite au mouvement MeToo et d'autres qui a fait émerger en France et en toute l'Europe une nouvelle parution de la remise en question de la domination masculine. Et donc, du coup, il y a le féminisme, il explose dans plein d'affaires, et c'est bien. Mais c'est marrant parce que du coup, on se dit, bah ouais, on peut avoir des avis différents politiquement, mais vous, ça vous sépare, quoi, parce que ça peut être aussi une richesse, j'imagine que... Oh, on verra. Tu vois Si, mais... La richesse, c'est de ne pas avoir une rupture sur ce qu'on fait. Par exemple, dans ma conception, on n'arrive pas à la révolution par la réforme. Comment alors ? Par l'action directe, par la construction, par le rapport des forces, par la construction des différents espaces. Tu veux dire que ce n'est pas une question de réforme, c'est une question qu'on recommence tout alors. Moi, je suis pour recommencer tout. Voilà. Tu n'es pas pour les réformes. Non, je ne suis pas un grand pour les réformes parce qu'on a vécu ces dernières 100 ans, on a vu où ce qui nous a amené la réforme. La réforme nous a amené, par exemple, en Europe, et pourtant je ne suis pas européen, à donner... une urne en argent à l'extrême droite, quoi. En fait, quel est le système démocratique qui permet que des idées nauséabondes qui sont créées, une guerre mondiale, exterminer du monde et tout comme ça, aujourd'hui, sur les notions de bienveillance, on permet que des fascistes, des nazis, des anti-humains font partie de la vie comme un écologiste, un socialiste ou un démocrate. Voilà. Non plus, je ne comprends pas ça. Et c'est ça, pour moi, ça c'est la réforme. C'est la réforme qui nous a amenés ici. Et donc, du coup, je pense que ce mouvement qui vient des États-Unis, il est fait pour la... Sans ces mouvements intersectionnels, Donald Trump, il n'aurait jamais eu la place qu'il a réussi à avoir parce qu'il aurait été illégalisé avant. De la même façon qu'ici, les Front National, il n'aurait pas en train d'être monté, en train qu'il a monté, si les gens, sous prétexte de tolérance, sans croyance tolérance, tolèrent les nazis. si les nazis auraient les pouvoirs, ils nous toléreraient. Ouais, non. Tu parles d'extrême droite, ouais, après, ouais, ouais, non, parce que sinon on mélange tout, mais... Social-socialisme, je parle des national-socialisme. Il y a différents, il y a des populistes, il y a des mouvements d'extrême droite et tout, mais il y a aussi des nazis, noirs sur blanc, en fait. Si on y voyait, en fait, actuellement, et par exemple, notre ministre de l'Intérieur d'Armanien, il faisait partie d'une aile des combats, carrément, d'un groupe pro-arien. En fait, on rigole pas, là. On est en train de parler des nazis. On n'est pas en train de parler, comme tu dis, juste là, ouais, l'extrême droite. Pour... Ouais, ouais. Là, par exemple... Quoi, tu t'es informé, tu as fait de la recherche. Oui, c'est ce qu'on fait avec les programmes de radio et tout ça. Mais oui, nous, on suit, hein, on suit la réalité, mais aussi ceux qui tiennent... Je pense que c'est aussi parce que je viens d'une tradition anarchiste très ancienne. Ceux qui sont pas coupés, les liens entre la commune et l'anarchie et l'anarchisme actuel... Mais notre histoire, c'est l'anarchisme, c'est une histoire parallèle. Et donc, du coup, on peut repiocher sur notre propre histoire pour comprendre tout ce qui se passe sur l'histoire des opprimés, pas celle des vainqueurs, mais celle des vaincus. Et bien, moi, je me base sur l'histoire des vaincus, je suis désolé. Hein. C'est des documents, c'est des copains, c'est des gens qui sont nés dans la même mélange que nous. Et pour moi, ça, c'est de l'histoire. Internet, je m'en branle. J'ai eu de la culture orale. Je sais de quoi il s'agit. Et j'ai vu aussi comment ça a évolué. Je viens d'un pays... qui est l'Argentine, dans lequel, par exemple, c'est l'unique pays dans le monde où le fascisme a gagné. Quand j'ai dit le fascisme, ici en Europe, on dit fascisme à n'importe quoi. On dit ah, un facho. Non, mais les systèmes créés par l'Église et Mussolini dans les années 30, dans lesquels ils font un texte qui s'appelle Il Fascio, dont le principe est faire en sorte que... Ça veut dire quoi ? Il Fascio. Ça veut dire les faisceaux qui permettent en fait l'absorption du milieu ouvrier dans les gouvernements. Ça veut dire que les syndicats fassent partie de l'État. Et bien, en Argentine, c'est comme cela. Et donc, du coup, c'est progressiste et tout. Mais le système, c'est qu'il y a, comme en Belgique, l'unicat syndical qui est un seul syndicat, c'est que l'organisation des travailleurs et travailleuses est interdite. Ça veut dire quoi ? Qu'un groupement de travailleurs ne peut pas s'organiser en dehors du syndicat unique. Ce système-là, il est fasciste. Il a été écrit par Mussolini et d'autres personnes. Voilà. Et donc, du coup, il y en a plein comme cela. Moi, quand je dis nazi, aux fascistes et tout, je sais de quoi je suis en train de parler. Et quoi, quand tu dis, c'est comme ça, on a le temps, on a encore un petit peu de temps. Pas de réforme, mais on faut tout recommencer à zéro. Pour ça, il faut construire un rapport de force. Et pour construire un rapport de force, il faut trouver des outils qui nous permettent déjà de nous entendre. Et le fédéralisme est un outil pour nous entendre. Pour moi, ce que tu vis alors avec les autres ici, voilà. Tu trouves que c'est une bonne manière, c'est du concret. De rayonner, mais aussi des réfugiés et aider d'autres gens à comprendre qu'on peut s'organiser tous et toutes, sans y être tous exactement sur une même idéologie, exactement sur un même travail, exactement sur une même vision de l'existence, en fait, qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, quand on va finir pour l'assumer, mais trouver les outils et lâcher les réseaux. Lâcher le réseau ? Oui, lâcher le réseau. Ça veut dire quoi ? Moi, je pense qu'en fait, avec l'évolution de la société et la technologie, nous a lancé vers cette façon d'organiser un réseau. L'organisation d'un réseau est une organisation très souple. On se contacte, on fait les choses comme ça et tout. Mais les réseaux, ils disparaissent avec les personnes. Oui, mais là, tu parles du réseau... Non, je parle du réseau... Technologique. D'organisation. Non, je parle de s'organiser un réseau. Qui c'est actuellement l'organisation à la mode. Hein. Framadat, réseau. Tu vois, qui tient sur des personnes et pas sur un socle qui permet un fort que quand il n'y a pas la personne, tout ne tombe pas. Je ne sais pas si je m'explique. C'est pour ça que je suis plutôt fédéralisme, parce que le fédéralisme est formel. Quand il avance, ce qu'on a acté, on ne revient pas en arrière. Et donc, du coup, qu'il y a les mêmes personnes ou pas les mêmes personnes, et c'est une démarche qui a été construite. Voilà. Et moi, je pense que les réseaux, il est fait pour que la mayonnaise ne prenne jamais. Que le système, il nous l'a mis, comment il nous a mis la bienveillance, comment il nous a mis la technologie. Ouais, mais là, j'arrive pas à te suivre. De quel réseau tu parles ? J'entends. Organiser un réseau, c'est par exemple quand tu organises ni un syndicat, ni une organisation formelle, ni un parti. Tu vois, par exemple, une organisation, un groupement, un réseau, c'est... Mais Écran Total, c'est un peu un réseau. Tu vois? Attends, parce que là, Écran Total, on ne peut pas parler d'eux. Ils ont demandé qu'on ne parle pas d'eux. Des groupements qui se retrouvent autour d'une seule cause, comme ça aurait pu être les vaccins, les écrans, et tout ça, avec des gens très divers qui vont se retrouver, ils repartent. Et s'ils ne se retrouvent pas l'année prochaine, il n'y a plus rien. Ouais. Voilà. Je veux dire les gens de la rue, quoi, les gens qui se reconnaissent parce que... C'est ça. Les personnes qui s'organisent pour quoi que ce soit, hein, pour faire du pain ou pour... Pour faire tourner de l'information, des choses comme cela. Mais personnellement, moi, je pense que c'est en l'heure de penser. Avec les mouvements Gilets jaunes, on a bien vu. Ça a été organisé et un réseau informatique, ça veut dire à travers les réseaux sociaux, et un réseau dans la façon d'organisation. Et, si bien les mouvements Gilets jaunes dont je fais partie, il est acéphale, ça veut dire qu'il n'a pas des leaders en particulier et tout cela et tout. Il a eu du mal à survivre ou à tenir dans la durée parce que la façon de se structurer, ils ne l'ont pas trouvé. Et il a suffi que l'État soit suffisamment malin pour corrompre quelques personnes, réprimer quelques autres et tout, et l'ensemble du mouvement est tombé. Et moi, je pense que c'est à l'inverse qu'il faut faire. Qu'il vaut mieux petit à petit cultiver, qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes, qu'il faut tout faire à dimension humaine. Oui, mais ce que tu dis aussi quand j'entends ton exemple, c'est qu'il faut apprendre à se structurer. Oui. Il faut apprendre à se structurer. Peut-être réapprendre. Peut-être c'était plus évident dans le passé qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut réapprendre à se structurer. Mais en fait, ça a à voir aussi avec le fait qu'avec l'informatique et le monde de l'image, on devient des êtres chaque fois plus anhistoriques. Ça veut dire qu'on perd notre lien historique pour te renvoyer à l'individu. Et donc, on va s'intéresser plutôt à ton couleur de peau, à ton genre, à ton chose et tout comme ça. Donc, au lieu de t'épanouir, tu vas te refermer sur toi-même. Donc, du coup, quand tu vas rencontrer l'autre, tu vas retrouver plus de différences que des choses communes. Et le mouvement en Europe a été la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, c'était un des endroits où il y a eu le plus des organisations syndicales dans le monde et c'était toutes d'orientation anarchiste. À tel point que en fait, les industriels ils sont laissés crever 2 millions d'ouvriers exprès pour qu'ils se tirent les uns aux autres, pour qu'ils s'arrêtent les réformes sociales. Que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Portugal, que ce soit en Espagne. Parce que les gens, si je comprends bien, s'organisaient, étaient vachement politisés. Ils étaient vachement politisés aussi. Hein. Ils étaient politisés parce que la dichotomie et l'exploitation étaient plus visibles, largement plus visibles. Aujourd'hui, ces espèces de prothèses, comme le téléphone et tout ça, qui nous mettent dedans, ils font croire qu'il y a une possibilité de classe moyenne générale, quoi. Tu vois, pour te donner un exemple tout simple, souvent je rigole quand les copains et copines, ils sont tous contents de leur vie en coloc. Okay? Ils habitent dans un appart qui a été fait pour une famille à 10. Et ils sont tous contents et tout. Mais concrètement, au début des siècles, il y a eu partout en Europe un mouvement qui a fait en sorte qu'on quitte les habitants malsains et qu'une maison devait avoir une place pour un gamin, chaque gamin sa chambre, et que l'ouvrier, quand il sortait du boulot, ils peuvent se reposer une cuisine et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les HLM, les espèces d'appart, des maisons individuelles et tout cela. Et voir qu'aujourd'hui, 150 ou 100 ans en arrière, en fait, les gens, ils louent des cabines japonaises pour dormir à je ne sais pas combien d'étapes, parce qu'ils vivent à travers les virtuels et pas à travers les réels. Mais ça montre l'état l'état de santé psychologique, quoi. Ouais. Mais c'est pas innocent. Je suis pas complotiste. Je suis l'histoire. Je continue à m'intéresser beaucoup à l'histoire. Mais on est en train d'essayer de faire en sorte que l'histoire disparaisse. Je pense que la base la plus fondamentale aujourd'hui du développement du capitalisme néolibéral à travers le développement des nouvelles technologies, c'est que les gamins, ils lisent plus de livres, ils aillent chercher sur Wikipédia. Que les infos ils soient prémâchées, que les idées politiques ils soient trouvées dans un endroit où tout est déjà prémâché, qu'il n'y a plus d'autodidactisme. Alors que tous les métiers, toutes les découvertes, tout ça, la majorité... En fait, ce n'est pas un ingénieur qui a créé je sais pas, on lisait un article super intéressant sur les types qui a créé les baby foot. Les baby foot, vous voyez les baby soup foot. On dit les kickers quoi chez nous. Ouais, ben nous c'est un metegol. C'est un baby foot en France, footballine en Espagne, metegol en Argentine. Bon, et en fait l'histoire elle est trop drôle. C'est un type en 1939 après la guerre civile espagnole qui se retrouve dans un bar à voir. Lui il avait été blessé par une bombe. Et il voyait beaucoup de gamins jouer au foot et il en voyait plein de gamins qui avaient été blessés par la guerre qui pouvaient pas jouer, Il s'est dit mais s'il y a un tennis de table, il pourrait avoir un foot de table. Et donc, du coup... Vraiment, c'est ça l'histoire ? C'est ça l'histoire. Et donc, du coup, il va voir un charpentier, il y a un type qui fondait. Quand il y avait des charpentiers, des trucs qui fondaient. Aujourd'hui, tu vas avoir une boîte de charpenterie, donc la personne, il connaît qu'à découper, mais il ne peut plus faire un truc entier. Et il s'est mis d'accord avec cela, et ils ont créé ensemble ce truc-là qui a énormément servi à tous les enfants post-guerre à jouer sans, en étant blessés. Alors on ne connaît rien. Quand je te parle de ça, tu n'as jamais entendu parler. Mais la vraie histoire, c'était celui-là, c'est l'humanité, l'empathie sociale qui se dit « Je souffre, tu souffres, comment on se fait pour souffrir moins ? Donnons du sens à ce qu'on fait avec nos mains. » Voilà. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on arrive à la fin. Ouais. Hein, il y a 50 minutes. Terrible, ben en tout cas, oui, merci beaucoup. Il reste 5 minutes pour boucler un peu, tu vois. Donc, ouais, en gros, t'habites dans un endroit où les règles, on va dire, sont autres. Hein. Ouais, voilà. Tu te sens bien là-dedans. On peut dire que c'est aussi une preuve que si on veut, on peut réfléchir autrement. Et après, qu'est-ce que t'en penses du monde là qui est là tout autour, qui tourne, tu vois, parce qu'il y a ça aussi, je veux dire, j'ai bien compris que ton collectif, il était particulier, mais bon, il y a d'autres collectifs qui fonctionnent autrement, tu vois, il y a quand même une tendance comme ça à essayer de se barrer de ce grand monde de fous là, et d'inventer un peu ses propres règles. Ouais, voilà. Mais comment tu vois, parce que comment tu vois le grand monde qui fait fonctionner quand même toute cette machine parce qu'on est quand même dedans, même si vous êtes tu vois. Je t'ai déjà dit que nous, on se considère dedans. Que nous, je t'ai expliqué là pendant le reportage, que nous, on ne considère pas qu'il y a alternative au capitalisme, au sein du capitalisme. Et donc, contrairement justement à une communauté, ici, nous, on est ultra perméable et on est constamment en train de sortir et on rend au peuple ce qui est au peuple. Donc du coup, comment je vois le monde ? Comme une possibilité de changement. Comme une possibilité de changement. Comment je vois le monde ? Je vois le monde plein d'humains dans lesquels on est en train de regarder ailleurs et on pouvait faire autrement. Je vois plein de souffrances et une facilité beaucoup. On a tout fait. Ce monde, même la dernière au but, il a été fait pour demander quelqu'un. Donc du coup, les défaire, si on pouvait les faire, les défaire. Oui, mais tu ne trouves pas que ça craint ? Que le monde y craint, avec les outils technologiques de dingue, je veux dire, on est mal barré quand même. Quoi. En fait, mal barré, je pense que l'humanité, elle a atteint un niveau de non-retour sur plein d'aspects, et qu'on est dans une décadence, mais hallucinant. Comment je vois le monde ? Je vois le monde en décadence. En fait, comment je vois ce qui est en train de se passer, les systèmes gouvernementaux, les armes, la guerre. Aujourd'hui, on regardait des cartes sur les incendies dans la planète, tout est en feu et tout. Je vois un monde qui n'a pas à avoir autre choix et qui s'est reposé la question de la vie en société. C'est comme ça que je vois le monde. Et que si, cette fois-ci, il faut que l'anarchisme soit très présent pour donner une véritable option, parce que c'est une des seules idées que l'humanité n'a pas tenté de façon vaste, si ce n'est pas en Espagne entre 36 et 39, où 5 millions de personnes se sont organisées de façon anarchique, et ça a été étouffé par toutes les puissances fascistes de l'Europe, plus les démocrates. Voilà. Plus les démocrates. Voilà, plus les démocrates. C'est important à le dire. Mais Guillermo, merci à toi. Hein. Évidemment, le sujet n'est pas bouclé, mais en tout cas, ça donne au camping... Le maquis, là, pointe sud-sud, c'est vrai que les gens qui écoutent peuvent venir checker. Non, mais c'est vrai. Et entre autres aussi pour cette bibliothèque anarchiste là, dont a parlé Suno. Voilà. Merci à toi, Guillermo. Merci à toi.